à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Si c'est la première fois que tu écoutes Critique de Crowd, ben félicitations, ça va être excellent. Et oui, je critique les foules. Je t'observe, cher public. Je t'aime, je t'apprécie. En général, je te trouve beau. Et cette semaine, ce sera rempli d'émotions. C'est assez personnel. Bon, pour les habitués de l'émission, vous direz que c'est toujours très personnel, Critique de Crowd. Effectivement, mais j'ai l'impression que c'est là encore plus. Je parle de pleurs, puis d'émotions, puis d'amour, puis de vol. Oui, j'ai failli voler, ça n'a pas de sens. Puis tout ça, c'est dû à un merveilleux spécial que j'ai intitulé « Événements hivernaux qui veulent nous faire sortir ». Parce qu'il y en a, ils veulent qu'on sorte point dehors, point, puis il y en a d'autres qui veulent qu'on sorte pour rentrer dans des bars. Et ben c'est pas pour rien que je vais vous parler de l'Igloo Fest qui a terminé la semaine dernière, samedi dernier, pour 4 fins de semaine qui ont été bien remplies, bien crowded. Et je vais aussi vous parler du Tavern Tour qui avait lieu ben, un peu partout sur le plateau. Et c'était du 2, 3, 4 février. Et oui, je suis allée revisiter des salles ben, finalement que je connaissais et que j'aime déjà. Fait que voilà, ça va être bien agréable. Et sinon, ben écoute, on commence tout de suite en musique avec Malamute. Et pour l'anecdote, il y a 2 semaines, Benoît Poirier, notre cher directeur musical, me dit « Jolaine, veux-tu passer un groupe que c'est leur nouvelle chanson et c'est surtout un beau mélange de Rouge Pompier et Octoplot qui ont décidé de faire un 4 soirs au lieu de 2 duos. Je dis « Hey, mais oui, malade! » Et là, après ça, il me dit « Ça dure 6 minutes. » Je dis « Ben, je parle beaucoup, moi, mon émission. Le 6 minutes, c'est long. » Fait que là, fallait que je le prépare. Fait que c'est moins exclusif qu'il y a 2 semaines. Mais ça, c'est tout aussi excellent. Fait qu'on écoute Banquise numéro 4. We'll be right back. Ils disent à la fin de la chanson, a pas duré 10 minutes, puis en même temps, je suis bien contente, sinon ce serait très difficile pour Critique de Crowd de diffuser la merveilleuse chanson Banquise numéro 4 de Malamute. Parce que oui, il y en a bien de la jasette, j'espère que ça t'a bien refroidi, Banquise, chers auditeurs de la marge, puisque je te jase d'Igloo Fest, qui est tout à fait musicalement dans un autre registre. Ben oui, Festival électronique, je crois qu'il n'est plus à présenter en sa 11e édition. Et encore une fois, pour ceux qui écoutent souvent l'émission, oui, je t'ai fait un spécial l'année dernière parce qu'il fêtait leur 10 ans. Ben oui, un beau chiffre ça. Et ça continue d'être tout aussi amusant pendant les 4 fins de semaine, janvier, février, pour les gens majeurs et qui sont aussi présents dans le Vieux-Port de Montréal pour aller, j'ai juste l'expression, comme ce, la couenne, tu sais, se faire chauffer à couenne, mais là, c'est comme l'inverse, tu sais, se geler la couenne. Ça gelait la couenne en habit de neige. Oui, j'aime les festivals parce que non, ce n'est pas juste pour les gens qui sont amateurs de musique électronique. C'est aussi pour tous ceux qui aiment fêter. Alors, c'est toujours dans une bonne ambiance, je trouve. Et elle est si belle à voir. Esthétiquement, vous êtes beau, crowd de l'igloo. Et justement, il y a des choses qui... se réinvente pas à l'igloo. À chaque fois que tu y retournes, année après année, il y a des récurrences que tu retrouves comme une tradition. Quelque chose de quand même, quand même réconfortant comme le... comme le... olfactivement, je vis beaucoup l'igloo fest à cause du Jager. Pour moi, j'associe les deux. Ça, c'est un mélange de épices qu'on connaît pas pis d'anis. Pour moi, ça va ensemble. Et quand je dis quand même, c'est parce que c'est salissant, maudit, c'est noir, c'est brun que ce breuvage. Et autrement, quand je dis festival, dit festif. Qui dit festif en habit de saut de fluo dit aussi être un peu enfantin chaud, ouais, c'est être drôlement gamin dans un état que les gamins ne peuvent être, surtout quand tu décides de t'habiller en licorne avec ton pyjama one suit, mais que tu mets par-dessus ton manteau. Oui, c'est des récurrences festival, mais elles sont ô combien agréables d'y voir, d'y assister, d'y participer. J'avoue que moi, je suis pas très costume dans la vie, mais moi, j'aime ça, j'apprécie, ça fait carnaval. Et ça doit être justement cet aspect-là où les gens sont amusés, amusants, qui a une facilité de jasette dans la crowd, pas juste de danse. Et c'est grâce... Je ris déjà parce que c'est pas possible. Mais oui, c'est à cause de la jasette dans la crowd que j'ai appris que la poppeuse, ce n'était pas simplement un breuvage de malt. Et oui, pour ceux qui connaissent pas toutes la poppeuse, ben je pense que j'apprends rien à personne. Là. C'est un breuvage sucré, là, fait de malt. Puis bon, ben semble qu'on boit ça quand on est ado dans un party de sous-sol à Monique. Là, ça dépend c'est qui ton ami dans le temps. Moi, elle s'appelait Sylvie. Là, ça doit être pour ça que c'est juste des noms de ma tante qui me reviennent en tête. Mais reste que je salue Sylvie, merci pour tes parties de sous-sol à mes 16 ans. Reste que de la poppeuse, t'en rebois pas après ça. Et il y en a quand même partout dans les événements. Ouais, c'est commun quand même à retrouver et surtout dans tes dépanneurs. Reste que poppeuse, ça me paraît bien tranquille. Et dans la file d'attente pour le bar, un Français me dit de la poppeuse comme celle qu'on sniffe. Celle qu'on sniffe. Je comprenais plus rien. Mais ouais! Celle qui dilate l'anus! Là, j'ai... Wow! Je comprenais plus rien. Déjà que pour moi, la poppeuse avait quelque chose de quand même juvénile. Je crois qu'on ne parlait pas du tout de la même chose. Et comme de fait, j'ai eu une grande éducation populaire générale à l'Igloo Fest. Puisqu'en France, en toute légalité, existe la poppeuse qui est un liquide euphorisant et aphrodisiaque de très courte durée, 5 minutes. Alors, non, ça ne se retrouve pas au Québec. Ouais, grande déception peut-être pour certains Français. Mais j'ai aussi appris par la suite qu'on pouvait en retrouver vraiment un peu partout en France, que ce soit divers magasins, mais aussi comme dans les clubs. C'était une pratique assez commune. Mais j'ai été un peu... j'étais un peu surprise. Déjà comme sniffer, là, j'étais... Puis déjà, c'est mes recherches sur Internet qui m'ont appris que c'était un liquide. Et bon, étant curieuse de nature, mais très peu consommatrice, ben j'ai lu des... Ouais, j'ai fait une recherche sur Internet. Et pour vous faire une courte histoire de la poppeuse, chose que je n'ai pas pu apprendre, hélas, par les festivaliers de l'Igloo Fest, c'est que, ouais, au départ, c'était une molécule synthétique qui a été inventée pour contrer les angines et soulager les spasmes coronariens qui en résultent. Et finalement, ils ont plutôt décidé de tester ça sur les militaires américains, puis ils ont trouvé les militaires que c'était drôlement plaisant. Oh! Effet secondaire positif! Et quand ils sont revenus au pays, c'est pas devenu légal, eux autres, pour les States, ça l'est toujours pas, et je crois que ça ne le sera peut-être bien jamais. Reste que oui, la mafia a décidé de en prendre possession et ça se partage beaucoup dans les clubs. Et il y a une anecdote justement, je voulais absolument vous conter, chers auditeurs, parce qu'elle est comme pas possible. Étant donné que c'était devenu assez populaire, la poppers, dans les clubs, paraît-il, pour moi c'est un mythe, ça se peut pas, mais il y a un propriétaire qui a décidé d'en diffuser dans le système de climatisation. Si cette anecdote est vraie, je capote. Déjà, en partant, tu te dis, c'est comme un supplémentaire gratis à point que le prix d'entrée était vraiment cher dans son club. Mais j'imagine pas la crowd! Tu sais, quand t'es plus ou moins conscient, puis tu te dis, ouh, je suis bien de bonne humeur, moi! Pointy! Pointy! Ça devait être pas possible comme ambiance. Je me l'imagine mal. Et en même temps, elle est diffusée dans l'air, qui est une des suggestions pour consommer le poppers. Mais au final, si c'est aussi réduit dans l'air, tu dois avoir un minuscule effet. Enfin, on ne le saura jamais, mais sache-le, toute consommation, il y a des effets négatifs. Fait que fais attention à ta santé, crowd, si jamais tu vas en France, puis que tu dis, la critique de crowd m'a parlé de poppers, j'ai envie de tester. Fais attention à ta santé, fais attention à ton nez. Fait que là-dessus, moi, le truc qui m'a le plus surpris dans les discussions avec la crowd, c'est que c'était surtout légal, et que... Fait que, j'avais envie de vous passer argent légal de Rednecks Level. Marie-Mate, Rednecks Level, we keep that money legal, yeah, but wait. Classe moyenne, la plus basse, quarantaine de clubs, la tijouse, who the boss, legal money house, legal money charman, legal money, y'a l'épicerie, legal money gas, dans ma corolla 95, shout-out à toutes mes boys qui paient de l'impôt, c'est bien fin, sur mon imposition swag. No doubt, gotta keep it vérifié par mon comptable. Like that, come out, ça fait donc ben mal. Quand tu changes de bracket d'imposition, c'est ben plat. Mais ça veut dire que t'as plus de cash. Ben wait, si t'es monté trop vite, t'aurais pas du sang à l'échelle. Que m'en va te montrer, c'est un document Excel. T'en reviens-tu, tes dépenses et revenus. Planifie pour tes vacances, puis garde les reçus. Je laisse des traces tout au long du parcours. Membre qui mon carnet de jardin à jour. Say ben wait, yeah! Vous êtes toujours en train d'écouter CISM, Critique de Crowd, qui prend bien son temps. Oui, je me remets de mes propres émotions à parler de drogue légale et d'argent légal. Vous avez entendu argent légal de Rednecks Level. Moi, assez fou Crowd, mais c'est les connaissances générales à propos des dilatateurs, pourquoi pas? Mais reste que... Oui, qui dit festival de grande envergure maintenant, je crois... J'aimerais bien généraliser en disant au Québec, mais je vais peut-être dire juste Montréal ou tout simplement gros événements tels que ceux organisés à Evenco. Alors, Chiaga, EV Montréal et Milsonic, moi, quand je suis allée, il n'y en avait pas une place VIP. Ah, le VIP! VIP! une personne si spéciale. Si spéciale, mais à quel point et pourquoi et comment tu le vis, crowd? Il y a bien des aspects à tout ça. Parce que déjà, observons tout simplement avec l'Igloo Fest, parce qu'on en genre, j'étais là, il faisait fret, c'était agréable. Fait fret, fait que c'est aussi agréable justement d'avoir une petite cabane qui ressemble à un petit chalet pour se réchauffer. Tout ça pour la modique somme du double du prix. Alors, si mettons le billet est à peu près à 22, là, c'était 20, entre 28 et 38 $ de plus à débourser. Est-ce beaucoup? Est-ce trop? Est-ce que ça te permet de devenir, quelqu'un qui se prend pour la fin du monde? Et c'est pas nécessairement négatif, se prendre pour la fin du monde, comment le dire? Tu sais, de façon péjorative, on pourrait dire se prendre pour la fin du monde, c'est comme, après moi, c'est un grand précipice! Ouais, se prendre au-dessus de la plèbe. Et, ironie du sort, c'est que, t'es vraiment au-dessus de la foule. En général, il y a des terrasses, comme je pense à Chiaga, il y a vraiment une terrasse qui est au-dessus, fait que tu peux admirer la foule et y être un peu à part. Le pire dans tout ça, c'est que la vue est tellement imprenable. C'est beau en soi, une grande foule. Oui, fait que là-dessus, je dirais, effectivement, ça peut être agréable. Mais pour le reste, j'y envoie si peu d'utilité. Et là, vraiment, je généralise sur tous les événements qui offrent du VIP, étant donné que le monde qui l'achète, ils pensent qu'ils vont avoir comme des réductions sur les breuvages alcoolisés ou pas alcoolisés. Et ouais, déception de constat depuis que j'anime Critique de Crowd. Je vous avais jamais parler encore des sections VIP, mais je peux te le dire, oui, comme de fait, c'est toujours les mêmes prix. Tu te sens riche, sur le coup, t'es comme « Wouhou! Je suis dans la section VIP! » Après ça, tu te dis « Ben, j'ai payé le même prix avec des fois autant de files d'attente ou presque, ou plus ou moins. » Tu fais comme « C'est quoi l'avantage? » Encore une fois, je vous dirais la vue. Quelle belle vue on peut avoir sur la crowd! Mais si on n'est pas critique de crowd, c'est le moment où on se prend pour la fin du monde. Et de façon plus positive, ben, je dirais que c'est comme avoir un once de YOLO plus grand que ta moyenne dans ta vie. Parce que il y a comme deux caractères, deux personnalités de gens qui prennent le VIP et qui virent complètement fou ces soirs-là. Il y a en premier celui qui... Ouais, lui, tu sais, c'est comme, il a envie de se prendre pour un gangster rapper. Tu sais, celui, là, qui prend son argent en éventail puis qui la swing d'une main, là, il est comme, En ce moment, je le mime puis je suis à la radio, c'est zéro utile, mais j'espère que tu as entendu le frottement de mes mains. Bref, ouais, celui qui se dit, à soir, je paye la traite à tout le monde. Et il paye la traite littéralement à tout le monde. Mettons que t'es au bar et tu attends. Ben, t'espères quasiment être à côté du gars un peu yolo qui se prend pour un gangster rap parce que là, il est comme, veux-tu un shot? Veux-tu deux shot, je te paye 10 shots. Yeah! Tu l'as échappé? Pas grave, je t'en paye un autre. Wow! Il a envie d'être ami avec tout le monde. Il semble nécessairement aimer tout le monde, mais il est d'une générosité éphémère parce que à moins qu'il soit vraiment riche, là, tu sais, genre, je connais pas ta vie, mais, mais autrement, je peux pas croire que tu peux mener ce train de vie-là aussi souvent. Oui, tu sais, c'est comme... Tu le vis comme un grand moment de gloire à toi-même. Oui, c'est très... Oui, je sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu individuel. T'sais, tu le fais pour toi aussi en premier, mais ça a quand même des conséquences agréables pour les gens qui ont envie de fêter à côté de toi. Mais fais attention, toi. Je sais pas, cher auditeur de CIS, peut-être que t'es de même. En autant que tu sois pas lourd et simplement généreux, je crois que ça se passe. Tu fais comme l'événement de la soirée que quand ta gang d'amis en reparle de... Ah oui, la fois qu'on est dans la section VIP, puis il y en a un gars, il payait tout à tout le monde! Ben, on garde un bon souvenir de toi. Et justement, je parle de groupe. Il y en a aussi qui vont acheter, bon, soit les forfaits, ou qui vont venir en groupe, tout simplement. Et c'est leur sortie. Aïe. J'ai envie de dire que c'est leur sortie de filles, parce que j'ai vraiment une image très précise de gang de filles qui... qui complètement... Elles ne sont pas Marie-Chantal Toupin. Elles sont sa chanson « Soirée de filles ». Elles l'incarnent complètement. Tu sais, c'est genre, c'est ma soirée de filles. Tant pis, les gars. Moi, je m'habille comme je veux. J'ai mon saut de neige. Ouais, dans la chanson, j'ai analysé les paroles puis ça disait plutôt « C'est un nouveau look que t'as jamais vu. Fais-toi-en pas. » Je suis pas toute nue, mais c'est clair que t'es pas toute nue à l'Igloo Fest parce que ça fait ben trop frette. Mais reste que, eux autres aussi, ils ont comme un certain niveau de... On s'en fout. Puis c'est agréable quand même, avouons-le, d'avoir un sentiment de je m'en foutisme une fois de temps en temps. Être YOLO complètement dans sa vie, je sais pas, je crois que bon, ça peut pas être tant favorable. C'est bien d'avoir une pensée à long terme, hein. Mais quand tu le fais une fois de temps en temps avec ta gang de filles, puis là, on est foufou! Ils sont comme sur le party, je suis wild! Ils sont vraiment surexaltés. Pour rien. C'est ça qui est beau à voir. C'est comme, c'est effervescent. Des filles qui sortent ensemble sont comme, ouais, on est sur le party, on s'en va s'amuser. On veut de la bière! Ils veulent la bière, mais ils veulent surtout des agrumes. Quelle que soit la bière et quel que soit l'agrume. Fait que citron, lime, orange, tangerine. Ils sont comme, oh, on veut de la bière! Mais avec un petit agrume! Avec un... C'est comme la meilleure combinaison, genre, ouais, je suis molle, mais j'aime ça les agrumes. Fait que vous me faites, vous me faites un bel effet, fille, quand vous sortez toutes ensemble, qu'on le sent là que t'as mis ton chum chez vous, comme la toune de Marie-Chantal Toupin qui dit, quand toi tu restes à maison, puis tu m'appelles sans raison. Et je reste quand même surprise de la chanson de Marie-Chantal Toupin parce qu'elle est écrite en 2003, puis qu'il l'appelle pendant qu'elle est au bar. Elle avait ben un cellulaire de bonheur, ma Chantal. En tout cas, moi, j'en ai un depuis 2012, fait que je suis pas vraiment un exemple. Mais reste que... Ouais! L'incarnation, pour prendre une chanson quand même meilleure, c'est « Girls Wanna Have Fun ». Ben ouais, ben ouais. Et je crois que ce qui est beau dans cette crowd-là qui, oui, vit intensément ces soirées-là parce que ils ont payé plus cher. Fait que oui, ils veulent vraiment le vivre. Puis ils ont décidé qu'elle allait avoir du fun. Ils ont décidé. Mais c'est justement peut-être là la beauté. C'est de le vivre peu souvent comme une exception et qui fait que ça le rend plus fort comme émotion, comme événement. Comme soirée, et ça se partage, ben oui, dans la foule. Le seul point, c'est que c'est ça, VIP, je trouve que c'est une appellation assez surutilisée. Tout le monde est spécial dans la vie, come on, mais ben, à vrai dire, important, très important, personne. Mais reste que, je me suis dit, on devrait donner d'autres appellations juste pour pas que les gens soient déçus. Des fois, ils s'attendaient à plus, ils s'attendaient genre à, je sais pas moi, des cristaux, de l'or, de l'argent, les rois mages. Tu sais, ils s'attendaient genre à, ils s'attendaient à la fin du monde. Ils s'attendaient comme à tout et sans exception. Les mots, si t'appelles pas ça VIP, t'appelles ça sélection au chaud. Je sais pas, ce serait déjà plus sympathique. Prix chalet, chaleureux. Ça fait sympathique, puis tu te prends moins au sérieux. Et pour tous ceux qui ont besoin peut-être de se prendre au sérieux, je l'offre en tant qu'humain, là, en tant que critique de crowd parmi des milliards d'êtres humains. Si t'as besoin, genre, d'un écusson ou d'un certificat, tu es une personne très importante, ben, je peux t'en faire un. J'adore bricoler. Puis je pense qu'on va régler des problèmes de gros orgueil désagréable dans les sections VIP. Parce qu'autrement, ben vous êtes cute. Ben ouais, vous êtes cute avec vos attitudes de filles pis de gars. Fait que voilà, l'invitation est lancée. C'est pas des jokes. Écris sur le Facebook des critiques de quoi, tu dis « Je veux un bricolage! » Ben t'as le fait, je te le jure. Et sinon, ben en honneur des VIP, VIP, 100% VIP, Catherine. Stylé, ok, funky, trop drôle, samedi, trop cool, extra sympa, puissant, dément, piscine, villa, champagne, taxi, ify, dolby, botox, glamour, sexy, crazy. T'es trop VIP. Be. 100% VIP de Catherine sur son album Robot après tout. Après les publicités, ben oui, retour sur le Taverne Torch. Allez voir Indian and Craft et Aksubo Shiba, d'excellents groupes qui se produisaient au Patrovis. Il va y avoir de la magie, de l'amour, des pleurs puis du vol. Fait que tout ça, c'est après publicité. À tout de suite. Cette semaine t'as coûté cher et tu veux continuer le party, eh bien les petits mardis à 4 piastres à l'Abreuvoir sont là pour toi. Ici Michel Kunta qui t'invite à prendre une petite pause entre deux examens. Au menu les mardis, drinks et bières à 4$, deux shooters pour 4$ et si tu like and share l'événement sur place, tu obtiens un shooter gratuit. La seule raison pourquoi tu manquerais nos petits mardis à 4 piastres à l'Abreuvoir, c'est si t'es en train d'étudier. Et même si t'étudies, ben la Bibliothèque nationale est juste à côté. Way out, guys! L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Les studios Distorsion, un espace artistico-sportif et culturel qui offre ses studios en location à l'heure pour vos événements privés, activités de groupe, cours de danse et répétitions. Consultez la page Facebook Distorsion ou notre site web www.distorsion.com. Du 15 au 25 février au Théâtre aux Écuries, redécouvrez le succès populaire Ligne de bus du Théâtre Inc. Tarif étudiant à 21 $ et à 19 $ avec votre carte Opus. Rendez-vous sur auxécuries.com. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Salut, c'est Julien du groupe Olinéa. Au début, on hésitait à t'appeler notre album Incandescence d'un avenir incertain ou bien Pleine lune d'automne, volume 3. On voulait aussi rendre notre album disponible seulement en 8 tracks, seulement chez les disquaires indépendants. Mais on a changé d'idée. L'album d'Olinéa s'appelle Olinéa, puis c'est disponible partout. Le vendredi 10 février, la Fécoum présente son party de la rentrée d'hiver, mettant en vedette Ken Lo et Beat Market. Dès 19h, viens nous rejoindre sur la place de la Laurentienne de l'Université de Montréal pour célébrer l'hiver. Les billets sont en vente à tous les comptoirs de la Fécoum au coût de 15$ sur présentation d'une carte étudiante ou d'une preuve d'études. Le 10 février, dès 19h, c'est le party de la rentrée d'hiver à la place de la Laurentienne. Ballon après à place. HEC Montréal vous invite à la séance d'information MSC, Maîtrise des sciences en gestion, mercredi 15 février à 18h30. Parmi les 20 spécialisations, deux nouveautés à la MSC, entrepreneuriat, intrapreneuriat, innovation et expérience utilisateur en contexte d'affaires. De plus, deux nouveaux micro-programmes dans le domaine de la logistique et opération. Profitez de cette soirée pour rencontrer les professeurs de votre spécialisation à HEC Montréal, mercredi 15 février, 18h30. RSVP sur hec.ca. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Que vous fuyez, raconte. part de nous restera debout et ne bougera pas et ne pardonne-moi. Par vieil usé et habitué de l'éducation, sous verre au musée, sous interdiction de la déplacer. Qu'il faut prendre ces choses, qu'il faut teindre trop de lignes, de couleurs, de sexe, de douleur et l'impossibilité de tout emboîter. La chienne indomptée d'être compris à moitié, celle qu'on ne pourra jamais serrer et caresser pour la faire taire sans l'étouffer. Antoine Corriveau sur les ondes de la marge, CISM 89.3 FM. Oui, Antoine Corriveau, son nouvel album, cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s'arrêter. La chanson que vous avez entendue, la toute première de l'album, Rendez-vous. Bien, vous pouvez l'entendre ce samedi au Centre Phi. Et si vous voulez une expérience complète, ben oui, il est venu à l'émission Les Criques et Crinqués avec notre beau Jean-François Rioux. Ils ont jasé. Puis, il a fait une tourne exclusive. Fait que pour de vrai, ça vaut la peine avant le spectacle, avant, après, mais pas pendant, ça, ce serait pas pratique. Hey, si ça parle de spectacle, c'est parce que t'écoutes Critique de Crowd avec Jolene. Et comme, à chaque retour de pub, j'ai envie de te partager de la crowd, parce que, ben oui, t'es beau quand t'écoutes de la musique. Et entre autres, ce soir, tu auras l'occasion avec Le Trouble qui performe au Café Campus. Vendredi, j'y vais, je suis énervée parce qu'il y a de la polémique du scandale, puis c'est fou. C'est celui de la compagnie de Dave Saint-Pierre à la 5e salle de la Place des Arts. Ben oui, de la danse, puis je vous reviens là-dessus. J'ai très, très, très, très hâte. Et autrement, ça se peut qu'après, je fasse un tour à Black Love. Sinon, ramenez-moi votre critique de crowd, parce que des fois, je cours pas dans tout Montréal. Et sinon, avec Black Love, il y a Hammerhands, Rhino et Owns. Et ça se passe à la Vitrola samedi! Hey, si je t'ai donné le goût, bon, peut-être pas d'être dans le VIP, parce qu'il y en aura peut-être pas, là. C'est le Off Igloo Fest! Ben oui, c'est terminé, mais pas tout à fait. Alors, avec Branco, Poirier et Bonbon Kojak. Dimanche, hey, mon trash métalleux, parce que ouais, je sais qu'il y en a une couple qui écoute Critique de Crowd puis qui aime le métal. Havoc avec Ex Mortus et Extinction AD. Ça se passe au Fofone Électrique. Lundi, je sais que c'est pas la seule date, mais j'avais quand même envie de te suggérer et de me suggérer à moi-même. La Hélénie, au Club Soda. Depuis que j'habite à Montréal, je n'ai jamais assisté à un show d'impro et dire que pendant des années, j'en ai fait de l'impro et j'en ai consommé, là. J'en ai sur des cassettes de la Ligue la Nationale puis le Mondial d'impro. Je les réécoutais. C'était plus de l'impro, mais reste que j'étais bien fan. Fait qu'il va falloir un jour que je retourne en voir dans ma face. Mardi, il paraît que c'est à Saint-Valentin. Va pas au resto parce que les cuisiniers ils rushent déjà. Donne-leur une chance. Mercredi, oh mon Dieu, mais hey! Ça me fait penser, oh mon Dieu, je reviens sur Mardi. C'est parce qu'il y avait, il y avait Andy Black, que je ne connaissais pas du tout. Au Théâtre Corona, je me dis, une vraie suggestion, tu sais, pour pas faire, envoyez-vous des petits cœurs, mes petits Valentins, Ouh. Mais après ça, en lisant sur Indie Black, j'ai compris que c'était le projet solo de Black Veil Brides. Fait que ouais, ça me donnait plus le goût de vous le suggérer. Fait que finalement, mercredi, je te suggère de, oui, continuer à voir du théâtre La cantatrice chauve, qui sera bien évidemment suivie de La leçon de, ben, d'Eugène Gassesco. Oui, oui, on le sait que c'était encore lui qui l'a écrit. Ça se passe au théâtre du Rideau Vert. Et si je dis bien évidemment suivie de La leçon, c'est parce que si tu es amateur de théâtre, tu sais bien que... Oh, à Paris, à la Huchette, les deux pièces sont représentées comme tous les jours, plus qu'une fois par jour. Et j'ai pensé, en faisant mes suggestions de la semaine, je me suis dit, imagine si Critique de Crowd animait à Paris, je vous ferais la suggestion beaucoup trop souvent. Tu sais, combler le vide. Ah oui, oublie pas d'aller voir La cantatrice chauve. Mais là, on est à Montréal, fait que je te le suggère là, parce que ça dure pas tout le temps. Et finalement, ben, on va écouter des belles chansons. Effectivement, le palmarès francophone de CISM en deuxième et en 25e position, Le Couleur et Paupières. Je baisse les lumières. con qui au hasard. Jamais je ne saurais, et c'est bien mieux comme ça. Vous avez bien dansé, c'était l'objectif de ce bloc palmarès Le Couleur et Papillère. Pour toutes les autres positions du palmarès, pour écouter le spécial avec Antoine Corvo, des criques et crinqués, ben tout ça, ça se retrouve à CISM893.ca et aussi sur l'application que je nomme jamais assez, l'application que tu peux retrouver sur ton téléphone intelligent, et vous écoutez toujours Critique de Crowd. Hey, c'était le Taverne Tour en fin de semaine dernière pour une deuxième édition et une première visite pour Critique de Crowd. Je sais pas, j'étais où l'année dernière. Peu importe, c'était le 2, 3, 4, c'est tout. C'était jeudi, vendredi, samedi en ce beau mois de février. Et ouais, l'objectif est simplement de bien faire sortir la crowd de chez eux, de sa chaleur de domicile, pour aller la vivre dans la taverne. Taverne! Là, les mots. Des fois, je peux gosser un peu là-dessus. Je me disais, mais ce ne sont pas tous des tavernes. Bon, déjà, le mot taverne est déjà... ben, plus efficace, là. Je veux dire, les femmes ont le droit de rentrer dans les débits de boissons. Et même s'il est marqué « Bienvenue aux dames encore » puis qu'il est marqué que la climatisation, là, ce genre de bar-là, justement, c'est devenu des bars. Et bon, dans la notion de bar-bar, disons que la majorité de la programmation se déroulait, oui, effectivement, dans ce genre de lieu comme les Torchers, Saint-Sacrement, des restaurants aussi. Mais sinon, ça se passe sur le plateau. Fait qu'il y a bien des bars spectacles. Et oui, ils sont remis à l'honneur. Montbalesco, le Bistrot de Paris, le Quai, Vert Bouteille, Dièse 11. Ben oui, c'est même le jazz. Sinon, ouais, j'ai beaucoup plus l'habitude de vous jaser de tous les autres, juste avant. Mais reste que oui, il y a pas toujours des spectacles. Mais disons que la plupart de leurs soirées sont bien musicales, tout en musicien drette dans notre face. Et finalement, ben je peux quand même noter des salles que je pourrais bien considérer seulement salles, telles que le Patrovis ou le Matahari Loft. Mais reste que, ouais, bon, c'était pas trop pointilleux du terme, ça se passe. Et la seule chose, c'est que justement, je sais pas si ça allait avec mes goûts personnels et le souhait de faire des découvertes. Mais je trouvais que ça faisait une certaine différence dans le sens où, les bands que je voulais voir, comme les Breastfeeders, c'était au Matahari et c'est une salle. Alors, l'Esprit, Taverne, c'est sûr, j'allais peut-être pas le retrouver exactement là. Mais c'était tellement un bon show! C'était malade! Je vous en reparle prochainement parce que je veux vraiment en faire un long spécial. C'était le retour de Sonny Duval après 5 ans de pas avoir joué avec les Breastfeeders. Il y avait de l'amour pour un groupe que j'aime d'amour. Fac, pour cette semaine, je vais plutôt me concentrer sur un show qui m'a vraiment marqué. Et pour... pour peu de raisons, c'est beau la vie des fois pour des choses inexplicables, telles que d'aller voir Indian and Craft et Actubo Shiba au Patrovis. Mais juste comme mention, il y avait vraiment beaucoup de bons groupes et de bons artistes qui jouaient durant le festival. Alors, Fred Fortin, Jonathan Gatt qui donnait un spectacle gratuit au Matahari Loft, les Breasts, comme je viens de mentionner, Jesse McCormack, je pense que c'était sold out, comme Fred Fortin, Laurent Sauvage, Hidalgue. Oui, des groupes qu'on aime beaucoup à CISM. Alors, j'étais comme vraiment... c'est fou, je faisais des décisions assez chroniques pour le Tavern Tour, parce que j'étais comme prise entre, je vais aller découvrir des salles ou des bars où j'ai jamais vu de spectacle là-bas, des artistes que j'ai pas vus, plus le coefficient, mon horaire, plus le coefficient, mais il y a des groupes que j'aime, puis j'ai envie de les voir, puis ils sont beaux, puis ils sont fins, puis je les aime, et ce sera le cœur qui va l'emporter sur mes choix crowdiens, parce que Actubo Shiba, c'est un de mes bands que j'ai écouté beaucoup, beaucoup sur ma liste de Poulet Neige de cette année. Je l'ai commandé pour Noël, puis depuis ce temps-là, je suis comme, la vie est belle et heureuse dans mes oreilles. Et sinon, c'est une découverte, disons, un peu avant le spectacle Indian Handcraft. Et je vais vous en parler plus longuement. Mais j'ai envie de faire une parenthèse. Mais avant la parenthèse, on va écouter de la musique. Et puisque ça se passe surtout sur Saint-Denis et Mont-Royal, Saint-Denis un peu, mais il y a un petit moton de bord de Saint-Denis durant le Tavern Tour, j'avais envie de rendre hommage à ce que je considère, comme le point central, tu sais, du plateau. Pour moi, c'est comme, il trône le rapido et le fameux. Bon, OK, il y en a un sur deux qui est fermé, mais reste que je trouve ils prennent bien leur place dans cette intersection tout à fait marquante de Montréal. Alors, rapido fameux de Cheval Fou. Entre les deux, mais moi, c'est fameux. rapido fameux. Ben oui, c'est aussi le titre de la toune parce qu'ils répètent souvent de Cheval Fou de leur album Rapido fameux. C'est bien un bon concept. Vous écoutez toujours Critique de Crowd qui s'emballe sur les ondes de la marge, mais... Je ris de tristesse parce que c'est un peu ridicule. Ben, ridicule, non, là, mais avant le spectacle, avant d'aller au Tavern Tour, il était de bonne heure dans ma soirée, mais moi, j'étais fatiguée, fait j'ai fait une sieste. Puis faire une sieste à 7 heures le soir, c'est jamais une bonne idée. Je sais pas pourquoi, mais il me semble que tu te réveilles et t'es comme... il est trop tôt pour vraiment se coucher. Puis en même temps, tu sais, t'es supposé te réveiller, mais fait noir, puis brrr, ouais, mélancolie hivernale. Mais pour être bien franche et sans m'étendre non plus, on dirait que je me suis réveillée, puis ouais, bien franchement, je pleurais chez nous. J'étais là, bouhouhou! Je pensais à la vie puis la mort, surtout la mort, là, hiver, sacré hiver, puis le bonheur, l'amour, la sagesse, tout ça se mélangeant en même temps de moi à moitié réveillée, puis qui dit « Ah, faut que j'aille au Tavern Tour, il y a plein de shows à soir », et qui était « Ah, oh, ouais, on dirait que la tristesse m'empêchait de prendre une décision comme « Quel show je vais voir, lesquels qui me tentent, j'ai-tu vraiment envie de sortir ?» Et j'ai fait la bonne décision, oui, de sortir parce que tu fais juste comme rester chez vous puis te mettre en petite boule puis c'est triste puis c'est pas efficace. Tandis que d'aller voir de la crowd, c'est tellement un remède en soi. Oui, j'anime Critique de Crowd, fait que je suis un peu biaisée sur la crowd, comme c'est agréable. Mais pour de vrai, ça fait comme toute la différence de ma soirée. Mais disons que, ouais, cet état d'esprit a aussi modifié mon appréciation de la foule. Et je tiens aussi à le mentionner parce que après m'être réveillée puis être triste, ben j'ai eu la fausse bonne idée de lire un livre. Je revenais à la bibliothèque et j'avais emprunté la bande dessinée Barb de Jason Little que je vous recommande absolument. Mais sois de bonne humeur, mec, ta lise parce que c'est 86 pages qui te rentrent d'en face. Je le dis avec beaucoup de hargne parce que c'est comico-tragique. C'est pas de bon sens. Tu vois, j'aurais pas le bon mot pour te décrire cette histoire très courte que très peu de mots. C'est pratiquement juste des onomatopées, des phrases courtes ou juste des verbes qui parlent d'itinérance. Alors, on suit la vie d'un itinérant d'un moment X de sa vie jusqu'à la fin. Oui, je te gâche le punch. Il meurt! Et c'est tellement cru, tellement direct, puis en même temps que ça soit drôle, puis que ça soit grinçant, cynique, que ça soit tout en même temps, je trouve que c'est une œuvre. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas lu de quoi qui m'a autant saisi et qui était autant réussi. Fait que je vous le répète encore, Barb de Jason Little, j'ai capoté. Mais j'ai encore plus stressé! Fait que c'était zéro efficace dans mon cas. J'étais comme la vie, c'est bien pourri! Fait que, ouais, quand je pleure, je parle aussi de même. Pour de vrai, c'est pas beau quand je pleure, c'est pas possible. Fait que, ouais, drôle de mood pour aller au Patrovis, je vous le jure. Fait que, pour cette raison-là, on va écouter du punk rock. Et c'est Elle ne fait que pleurer des conneries. Ouais, comme de fait. Incapable de lui confier mon émotion, sans contrôle, je tenais mes mains vers ton corps. Je n'ai plus jamais envie de sortir avec elle dans les magasins. Elle ne veut plus faire de sexe comme avant soir et matin. Je me fais calculer. Elle me fait t'en rajouter. Tout ce que je pourrais faire, c'est m'évader. Elle ne fait que pleurer. Oh, on sent chacun de son côté, sans s'en rendre compte, y'a plus rien qui nous rejoint. On se demande ce qu'on se disait, wow, oh. On fait comme si de rien, c'était différent dans notre quotidien. Elle ne veut plus faire de sexe, y'a maman soir et matin. Je lui fais calculer. Elle me fait quand ajouter. Tout ce que je trouve à faire, c'est m'évader. Elle me fait que pleurer. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Je lui fais qu'accumuler. constate, ce sont les ravages actuels, c'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, et le fait que, du fait même de sa densité actuelle, l'espèce humaine vit sous un sorte de régime d'empoisonnement interne, si je puis dire, et je pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n'est pas un monde que j'aime. Charles Meadow, oui, c'est une chanson que j'ai découvert grâce à la compilation Le Dictionnaire de Limo, et c'était la chanson Pauvre de nous. Vous avez aussi entendu Guérilla Poubelle, Comme un sourire, de leur album Il faut repeindre le monde en noir. Et finalement, en tout premier, vous avez entendu les Connies, Elle ne fait que pleurer, de leur EP J'espionne ma colocataire. Vous écoutez toujours Critique de Crowd, qui arrête de pleurer, là, je me calme les nerfs, là, puis je me rends jusqu'au métro pour voir cette énorme affiche du Tavern Tour. C'était, ouais, mon Dieu, tu peux pas le manquer, hein? Tu te rappelais aussi que tu sortais à soir, Jolène? Effectivement. Et c'est là que je me rends au Patrovis pour assister à la performance de ce duo stoner d'Ontario, Indian Handcraft. Et j'ai envie de finir par le début, quand ils ont fini leur performance. Et c'est, je trouve ça quand même remarquable comme phrase, mais le gars juste à côté de moi, il me dit, ben, il dit à son ami, là, mais il dit tellement fort qu'il dit à tout le monde, il dit, je pense que j'ai joui. Je sens que les gens ont apprécié la performance. Je sens. Pour dire une chose pareille et n'avons pas fait de la grossière indécence, c'est un signe. Alors, c'était jouissif pour certains et fort agréable comme moment. Oui, ça, c'est certain durant Indian Handcraft que je connaissais peu et j'avais sincèrement aucune attente. Question crowd, parce que ouais, pas trop vite, ça, la deuxième fois je vous en ramène une critique, la dernière fois c'était un show de punk rock, ni plein ni trop vide, de l'espace, c'est sympathique, salle quand même étroite, je trouve qu'on a facilement une belle vue sur la scène qui est ni trop haute ni trop basse, une scène bien accommodante. Et cette fois-ci, quand je suis rentrée, c'était plein. Je fais OK, il y a de la... Oui, il y a une certaine attente autour de l'événement. Il y a de l'enthousiasme. Juste le fait qu'on soit nombreux, ça veut dire quelque chose. Et ça m'a déjà rendue joyeuse. Je fais plein de crowd. Et plein de crowd attentive. Ouais, parce que... Ouais, disons... Avec, je sais pas, je voudrais pas généraliser en disant « Ah oui, c'est du stoner, puis le monde va rester tranquille », mais il y avait pas tant de place à disons, un certain emballement physique de « Ah, je pousse du monde, je m'énerve, ah, je vais suer ma vie ». Non. Puis c'était bien correct de même. Les gens, moi, ça hochait de la tête. De façon bien assumée, c'était pas juste un certain enthousiasme pour suivre la mélodie, puis juste filer le moment. Non, il y avait une certaine affirmation, mais contrairement à un headbang plus métalleux, là, tu sais, on n'était pas dans un mouvement de hochement de tête prononcé, très spectaculaire non plus. Moi-même, j'avais les cheveux attachés, ça restait très subtil, parce que pour la plupart de ceux qui hochaient de la tête, c'était plus proche de l'approbation. Wow, qui? Ok, c'est bon. Ouais. Ce genre d'approbation-là. Et oui, c'est fou comment c'est très, très personnel, là, mais c'est le contexte. Tu sais, le fait d'être triste, mélancolique, les choses graves et banales de la vie, puis d'arriver au spectacle et que ça devienne quelque chose de complètement apaisant. Oui. Le simple fait d'assister à un show. Oui, j'aurais pu dire dans un autre état émotif de « Ah ouais, la crowd était en piquette, puis elle regardait le show, puis c'était le fun. » Tu sais, ça aurait été un peu banal. Tandis que la simple fait qu'on était là, proche, quand même, il y a une certaine distance avec la scène, mais bien crowdé, avec une proximité entre tous les gens de la foule, c'est cette simplicité. Je le sais, c'est résumer tous les spectacles que je vous résume depuis 4 ans, mais ouais, d'être debout devant le groupe, de là, l'écoute, d'apprécier. Et une appréciation fort sincère est quand même plus... pas juste comme au théâtre où on va être assis, on va applaudir à la fin, c'est une demande de... Ah oui, on peut rire, on peut être triste, mais qui va beaucoup plus fort que ça. Même si physiquement, il se passe si peu de choses, même si, en tant que tel, ça paraît si simple, si banal, quand même, le gars, il a dit qu'il a joué, là, à la fin du show. Il était comme « Ah, c'était malade, c'était carré. » Il capotait, mais il n'y avait aucune... Ouais, pas de ni de hargne, ni d'exaltation, ni d'énervement supplémentaire. C'était simplement parce que le show, il avait été bon. Puis c'est ça que je trouve dur en ce moment, c'est que je vais vous passer un extrait, mais ah, c'est jamais aussi bon qu'en spectacle. Je trouve que c'est pas aussi grinçant, pas aussi fort, pas aussi... Ouais. Je trouve que... Ouais, je vous mets pareil un extrait. Oui, je trouve que, tu vois, je shakais des épaules juste en écoutant l'extrait, puis oui, ça pourrait avoir quand même plus de bougeotte dans la crowd, puis c'était tellement pas utile, il y avait une belle concentration. Et juste pour revenir sur, mon état émotif, ça m'a quand même aussi rappelé comment chaque individu dans une foule, inévitablement, tu sais, je veux dire, on vit avec notre bagage, oui, de notre vie, de notre passé, mais aussi notre petit quotidien, tu sais, le fait que t'es peut-être tanné de ta job, peut-être que, je sais pas, moi, ta blonde t'a laissé, puis t'en vas voir le show pareil, peut-être que c'est ton groupe préféré, tu sais, tu tripes à vie, puis juste à côté de toi, il y a le gars qui a perdu sa job, puis qui est comme... c'est fou comment ça peut... Oui, ce beau mélange-là, ça fait toute cette combinaison qu'est la crowd. Et ça, on le sait jamais, à part si on le partage. Puis justement, je l'ai comme vraiment trop partagé au Ben, fait que je reviens avec l'anecdote. Mais aussi, ce spectacle m'aura bien rappelé que le rock, c'est la santé. Et on va l'écouter. Ah non, j'ai pas préparé le CD, fait que je passe sur play, puis ça va être une surprise. C'est les jolies filles. Bravo! Et hey, pas bravo pour la technique cette semaine, Jolene, par exemple. Je me parle à moi-même parce que, oui, vous avez entendu 32 secondes de filles et garçons sur l'album Méconium, les secrétaires volantes! Mais je voulais surtout vous passer le rock, c'est la santé, parce que j'ai vraiment pensé à cette chanson-là au spectacle durant l'entrée. J'étais comme, c'est vrai, le rock, c'est la santé. C'est la santé. Et pour revenir sur l'appréciation d'Indian Handcraft, je repensais aussi l'appréciation des gens qui étaient à côté de moi dans la crowd. Et oui, évidemment, je crois qu'un des points que j'ai oublié de mentionner, c'est... Puis c'est un point très mélomane, c'est la technique. Ça rentrait au poste et il était excellent en tant que musicien. Fait que c'est sûr que ceux qui viennent pour assister à vraiment, aïe, aïe, aïe, comment il est bon avec sa guitare, aïe, aïe, aïe, comme il tapoche bien ses cymbales. Ben oui, t'en avais pour ton argent, comme dirait l'expression. Fait que moi, avec mes émotions, des fois, j'oublie de certains aspects. Oui, que dans la crowd, ça peut être beaucoup plus important. Reste que là, on est encore à l'entraque que je te jase, crowd, parce que j'ai été tant charmée par la performance. Oui, j'avais écouté l'album avant d'aller voir le show, mais là, je me suis dit, je le veux. C'est un moment marquant de ma vie. Il m'a tant apaisé. Je veux le garder avec moi à tout jamais. Ça a vraiment été ma réaction. Je ris parce que, oh mon Dieu, j'arrive devant le kiosque à T-shirt puis à CD et il y a deux gars qui sont là à côté de la table. Fait que j'en déduis bien que c'est le groupe. Oui, tu sais, si t'es le seul qui a sué pendant que tout le monde était debout, ben droit et fier, bonne déduction, Jolene. Le seul point, c'est que ma gueule à moi, elle avait déjà commencé à jaser avant même que je réalise que c'était eux autres. C'est un peu étrange, je sais pas comment... comment je fonctionne, mais c'est l'adrénaline, l'excitation, puis tilté, carrément tilté. Tu sais, j'étais en train d'acheter l'album, je prends l'album, je le mets dans ma sacoche, puis là, je suis comme, oh my God! Parce que là, je parle en anglais. Et pour tous ceux qui écoutent souvent l'émission, je sais que je ne t'apprends rien, je ne suis pas très bonne en anglais. Et ça, c'est quasiment un euphémisme. Je sais vraiment pas comment ma bouche à laisser aller les mots blou, blou, blou, blou, blou, blou, blou, en anglais, chose que je ne maîtrise pas très bien et que c'est fluide puis que ça va super vite puis je suis comme je vous aime puis là je raconte l'histoire de oui j'étais chez nous puis là je me suis réveillée puis je pleurais puis après ça je suis allée voir et là je suis ah mon Dieu puis là je suis ah c'était tellement fantastique parce que là vous avez tellement été un beau moment dans ma vie, je vais m'en rappeler tout le temps, c'était merveilleux. Ouais, c'était intense comme ça, j'étais pas supportable. Puis les deux gars, ils me regardent super calme en hochant aussi doucement que la crowd juste avant. Ils sont là, ouais, c'est bien le fun, son anecdote. Ils sont full émus, ils sont, ah, on vit un moment, on est là, on vit un moment, c'est beau. La fille, elle me dit, ouais, fait que ton CD, ça va faire 10$. Fait que j'ai parlé pendant 5 minutes au Ben, dans un anglais approximatif, puis la fille, elle attendait son cash. C'était gênant parce que j'avais oublié, j'avais mis le CD dans ma sacoche, puis là, j'étais juste trop perdu, comme juste le raconter, j'utilise même pas des phrases construites avec sujet, verbe, complément sur les ondes de la marche, fait que imagine en vrai. Fait que là, je suis perdue, je prends mon portefeuille, je donne l'argent, on reprend un autre CD, et comme, excuse-moi, t'en as déjà un CD, puis je suis comme, oh mon Dieu, il y en a un dans ma sacoche! J'étais gênée! J'étais voleuse accidentelle pour un moment rempli d'émotions, j'étais comme arc, j'étais pas très fière, je me sentais ridicule, je m'excusais à tout le monde, je m'excuse au groupe, ils sont comme calme tes nerfs, petite fille, et ils m'ont plutôt offert une sérigraphie, de $1 logo du groupe, alors être voleur, c'est aussi récompensé, aussi étrange que ça puisse paraître, mais pour tout ça, c'est clair que je vais me rappeler tout le temps, pour toujours, de toute ma vie, ce spectacle-là. Ouais, il y a trop d'éléments. Ouais, c'est drôle, la crowd, pareil. Fait que, ouais, pour tout ça, parce que j'ai eu l'air d'une voleuse, Flo Voleur de Monkey. What? Motherfucker stole my flow. Motherfucker stole my flow. Motherfucker stole my flow. Which motherfucker stole my flow? Moi noir et puis j'me chow by yo. Bitch, j'suis dans mes honorailles, you know. T'entends juste qu'ex slip it, t'en veux more? No. Qui a plongé dans le plagiat, please? S'te plaît, déplogue la plug du bug. Ton boss de blog est une blague au bled. On est bleed, oublie le battle, bunny est blind. J'black à blanc, callboy qui bite. Un mec connaître, ça doit te reconnaître. Un swank, un ring, un fang, un brick drop et surtout des bangers. Faut que ça va, c'est brosse rien, c'est pas bien mal, c'est chanté à bingo. Squash le channel, pas convaincant de rapper en jupe sur le make-up. Aucun autre jour a autant au ballon qu'un banger. Ça, c'est qu'il m'en fuck, qui bosse le pattern. Les murs restent folles et puis drôles et propres sur Cavendish. What's happening, boss? Tu vois, j'ai mes bottes, puis pas à peu près. Ha! Pas un devoir à remettre. Ha! Waiter ou le waterman, whatever. Denver Hall of Famer. Allo à ton boy en moins. Tu sors le cheese, sors le vin, vu comme monde sort le banger. Cache-toi dans ta maison, en petite boule dans tes headphones. Un Manny Middle, Dennis Duran et Manny Mel de Rich. Which motherfucker stole my flow? Motherfucker stole my flow. Which motherfucker stole my flow? C'est quoi le deal, mais y'a quelqu'un qui a pris mon flow. Mais je sais même pas trop c'est qui, mais faut que je dise. C'est pas mal dope, check it out. Dude, man. T'as bite quelqu'un qui a bite quelqu'un d'autre. T'es fou, man. Qui a volé le flow, c'est le débit si je flash mon faux. Je l'ai fini le fond. Défile les femmes qui flinguent des fleurs. Féminine flamme, féline la femme et en forme. Firebond, phenomenon. Les Max, Martin, Max, Mara, Mastercard, Zara, 4, Cara, Corny, Copycat. Camouflage en cinémax, catapulte. Casse-corps, c'est cascade de balles. Calache des corps, boum, chaque à lac et ricochet. Ricochet, croche, rafale de ratatat. Un autre patate qui tape à l'os tes poches. Patnet, tu patines en salle, fait que tu me passes la boc. Le route est long, ma vie m'a l'air d'un roller coaster. Perds son temps à qui j'aurais dosé des stacoasters. Mon petit gym, il est trop tard pour se grab le Bozak. Trouvez donc pop des Prozac, surtout avec pas les bulldozers. Pas du tout catholique, not at all kosher. Y'a un danger, un deck, il fait en poche. No love, no love. Which motherfucker stole my flow? Motherfucker stole my flow. Which motherfucker stole my flow? Which motherfucker stole my flow? Which C'est le retour du réel gossant qui parle tout le temps. Veut commencer le bar avant que le bar commence. En effet, Gilles, je te ferme pis je paye la tournée. Ta princesse Touch, lag, deux une tournée, 8 piastres. Mon DJ sur des slip mats, t'as tes deux mains comme un stigmate. Pis si tu crosses mon grisave, ton ass saute des étapes. J'suis le flyest du K6 depuis que j'vais être le full du K6. Pis j'suis le plus beau du K6 depuis que j'm'entraîne avec gros bichon. Bitch, mon flow est bien, j'étais comme un gros raisin. Faut pas si le verse est trop long, manque de la pote pépin. Y'a le monstre, beau dingue, David. Real is not fake shit. Brun que Chris, laisse nous que comme Saisy. Pas le temps de niaiser. Chillionaire light cake. Le IK6, tu sais où je reste, toi gars. Bite le flow, tout le monde, je les vole, c'est du copy-colly. Ah ouais, donc, les petits volets, pis les mots du copy. Matin, mother, money, Morris, ah ouais, toute la gang. Toute la gang, j'ai dit toute la gueule. Which motherfucker stole my flow? Flow voleur. Les couleurs furent préservées à titre d'exemple pour un jour futur. Bon, mon Dieu, les bandes, ils ont bien de la jasette sur les tunes de cette semaine. Fait que bref, vous avez entendu Faux voleur avec Qu'est-ce que c'est? Monkey sur son album Gris impérial. Puis Critique de Crowd, elle, c'est fini l'entraque, c'est fini les émotions. Parce que on va être bien attentif à Atsuko. Ah, si, je suis plus capable de le dire. Atsuko Chiba. Je les aime, mais je peux pas les prononcer. Ça va mal, la vie. Des fois, il y a des amouraines comme ça. Mais je fais surtout les aimer, ce groupe montréalais qui existe depuis 2011, qui ne veulent pas être catégorisés. Et on va leur laisser ça. Fait que tu le découvriras toi-même sur Auditeur de CISM en écoutant grandement, tout plein. Et c'est pas la première fois que je les vois en show. La première fois, c'était au Matahari Loft. Et c'est comme des petites bulles. Ça pétille dans la foule, tout en étant très, très calme. Ce qui est aussi caractéristique du groupe. Ils sont nombreux. Ils sont cinq. La guide, des cinq, puis une bass, puis un drum. Puis de la projection! Alors, c'est animé, oui, par différents vidéos, mais aussi l'absence, assez pleine de lumière. Il fait sombre, oui, pour mieux voir la vidéo, mais je crois que dans l'optique de vouloir créer une expérience, des choses simples comme enlever l'éclairage est suffisant. Et c'est drôle. C'est la deuxième fois que je les vois, puis cette fois-ci, c'était encore plus fort. La salle était plus étroite et, ouais, moins d'espace, justement, pour se déplacer, contrairement au Matahari Loft, qui est très, très grand comme place. C'est comment, dans la foule, oui, c'est des petites bulles, ça crépite, mais en parcimonie, et c'est surtout une expérience solitaire, très individuel. J'use des termes parce que la plupart des gens vont tout simplement écouter le spectacle, vont être debout, attentifs, et oui. Mais il y en a d'autres qui virent complètement fou. Pas un petit peu, là. Beaucoup. Il y en a un, première note, il spin comme une laveuse. Mais comme une demi-laveuse parce qu'il faisait gauche-droite, gauche-droite. Oh yeah, comme un TC essuie-glace. Il était vraiment de même. Il se souvenait d'un bord puis de l'autre. Il était tellement... il était concentré sur tout ce qui se passait dans lui. Là, c'était fort. Ouais, comme une implosion. Mais il était très, très, très intense. Ce qui est drôle, c'est qu'il était en arrière du gars le plus sérieux de la Terre, les bras croisés, fait à baboune. Et il était tellement intense. Oui, il y a quelques personnes un peu comme ça. 3-4, mettons, dans la foule. Des petites bulles. Reste que l'autre qui est tellement à spinner comme une laveuse, il y a une fille qui mime d'arrêter, tu sais, elle poke, puis elle dit « Ah, calme-toi ». Et j'ai quand même trouvé ça, ouais, particulier, parce que, mettons, moi, j'irais jamais faire ça. Je considère que, ben, moi, dans la foule, la limite, ben, ça finit par être celle des autres. Il y a une expression qui dit plutôt que la liberté des uns s'arrête là où celle de l'autre commence. Effectivement, si toi, il t'agace profondément, c'est mieux que tu lui dises, parce que tu as passé une mauvaise soirée. Mais en même temps, j'ai l'impression... Ouais, c'est mon feeling, c'est très... C'est moins... Moi, je sais pas, j'ai peut-être le laissé vivre assez fort, mais il est intense. Je sens qu'il a vu son moment. Il a vu son spectacle de Aksubo. Il vit fort. Fait que j'ai trouvé ça, ouais, quand même particulier que quelqu'un le freine dans son énervement. Un peu triste. Moi, je serais triste si quelqu'un me disait de me calmer les nerfs pendant que je suis peut-être devant mon groupe préféré. Je dis ça de même, mais en même temps, il apprend. C'est drôle comment c'était statique, sur place, les deux pieds bien groundés, mais qu'en même temps, il prenait beaucoup de place. Il luttait avec lui-même à un moment donné. Il luttait avec lui-même à un moment donné. Il était, oui, il était dedans. Ce serait la bonne expression. C'est très crowdé, même premier groupe, deuxième groupe. J'avais pas de distinction entre qui était allé voir quel groupe, mais étrangement, à minuit, ça commençait à se décrowder. Ma déduction, c'est que tout le monde voulait aller voir Jonathan Gatt au Matari, qui est très, très, très réputé pour donner un spectacle complètement fou. Mais en même temps, je trouvais que ça se combine beaucoup avec Atsuko parce que, ouais, ils veulent créer une ambiance, une esthétique. Fait que, ouais, je sais pas pourquoi vous avez quitté la salle parce que c'est triste. Ouais, c'est triste. Puis plus ça avançait, il y avait plus de gens qui se permettaient de jaser. Ça, j'avoue, je tolère ça un petit peu moins parce que, justement, on a créé une ambiance, c'est plus calme, plus posé. On est attentif à la musique qui trente. Puis en même temps, tu blablabla. Non, ça peut attendre, ça peut attendre. Où c'est que tu t'en vas plus tard? Ça peut attendre, genre, tes conversations. Ouais, l'espèce de le laisser aller dans la foule, j'ai eu l'impression qu'une fille qui a essayé d'appeler des musiciens sexy. Ça, ça avait pas trop rapport avec, avec la situation. Reste que pour de vrai, c'est une expérience à vivre. Je vous le suggère d'aller voir Atsuko Shiba parce que, ouais, juste le fait qu'il se passe peu et beaucoup de choses intensément et pas du tout fait des contrastes très intéressants dans la foule. Alors, je vous laisse avec un extrait, puis je vous laisse pour la semaine. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, crowd, les auditeurs de la marche. Vous êtes les meilleurs, je vous le dis, puis je vous le répète. Et je vous dis à la semaine prochaine pour toute suggestion. Va voir le Facebook de Critique de Crowd. Bye bye. en lumière vous promet des soirées musicales inoubliables. Sur scène, le disco électronique du groupe Valère. Les refrains ultra accrocheurs d'un certain Alex Nevsky. La pop électro hypnotique du nouvel album de Peter Peter. Et le western urbain d'Odezen sera vous faire danser. Vieille info au montrealenlumière.com. Présenté par RBC en collaboration avec Bell, en association avec La Presse Plus et CISM. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live dans les studios de CISM. Jeudi le 9 février, la session live reçoit Dear Criminals. As you swallow your... Préparez-vous à une heure de musique en direct, d'entrevues, de choix musicaux et de découvertes en compagnie des artistes les plus intéressants du moment. Soyez au rendez-vous sur les ondes de CISM 89.3 FM. HEC Montréal vous invite à la séance d'information MSC, maîtrise des sciences en gestion, mercredi 15 février à 18h30. Parmi les 20 spécialisations, deux nouveautés à la MSC, entrepreneuriat, intrapreneuriat, innovation et expérience utilisateur en contexte d'affaires. De plus, deux nouveaux micro-programmes dans le domaine de la logistique et opération. Profitez de cette soirée pour rencontrer les professeurs de votre spécialisation à HEC Montréal, mercredi 15 février, 18h30. RSVP sur hec.ca. Cette semaine, dans votre quartier libre, revisitez les bars ayant appartenu aux étudiants de l'UdeM. Découvrez le phénomène grandissant des cyberattaques. Et apprenez-en plus sur l'exposition comme processus pédagogique. Visitez notre site internet quartierlibre.ca et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Quartier libre, au cœur des préoccupations étudiantes. Diplômé, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSOM. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Le vendredi 10 février, la FECUM présente son party de la rentrée d'hiver, mettant en vedette Ken Lo et Beat Market. Dès 19h, viens nous rejoindre sur la place de la Laurentienne de l'Université de Montréal pour célébrer l'hiver. Les billets sont en vente à tous les comptoirs de la FECUM au coût de 15$ sur présentation d'une carte étudiante ou d'une preuve d'études. Le 10 février, dès 19h, c'est le party de la rentrée d'hiver à la place de la Laurentienne. On est les stats, ballon à prix à place. Sauver nos fiches ass, mais c'est plus des mice. Ok, dans un système. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Hey, salut les jeunes. Salut les jeunes. Hey, salut vous autres, mesdames, messieurs, merci. Puis toi aussi, le gars. Hello! C'est pas juste fait pour les tickets, hein? Je suis enceinte. Ouais, c'est moi, c'est refait. Ici Jean-Pierre, Maxime Auclair, Pierre-Luc Massé. Se sont parlé de nos soldats qui sont morts avec fierté pour la patrie. Les yeux sont gris, ta peau refroidie.